Alors, ça enregistre. Bonsoir à tous. Je suis avec Gossed, avec Riley et avec Aki, ou Aki Hellfire, je ne sais pas comment tu préfères qu'on te... Aki, c'est bien. Aki, c'est bien. D'accord. Je viens vous poser la fameuse question du Frankencast qui est « Le MJ est-il un joueur comme les autres ?» Et donc, je vous pose cette question pour que vous répondiez de façon collégiale. Aki, l'honneur. Bah, vas-y. Si, hein. Pour moi, ce n'est pas un joueur comme les autres. Ah bon ? Non, parce que... Il peut s'amuser autant que les autres, mais il n'a pas du tout la même fonction que les autres joueurs. Du coup, ça ne peut pas être un joueur comme les autres. Il a toutes les clés, il s'amuse d'une autre façon, finalement, que les joueurs qui ne sont au courant de rien, mis à part leur jeu, le personnage qu'ils incarnent. Le MJ, en tant que maître de l'univers, forcément, ne fait pas les mêmes actions. À partir du moment où il ne fait pas les mêmes choses que les joueurs, il ne peut pas être un joueur comme les autres. D'accord, et donc tu considères que le MJ est maître de l'univers ne peut pas être surpris par les joueurs du coup ? Si, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un joueur comme les autres, mais il peut s'amuser autant, il peut être surpris autant, évidemment. C'est ce qu'il joue au même jeu, mais il ne joue pas de la même façon au même jeu. Okay. Et la nuance est subtile, mais elle existe. Bah, pour ma part, je trouve que si, justement, c'est un joueur, puisque joueur, bah, le mot premier, c'est jouer. Donc, il joue aussi avec eux, il joue des réactions et des actions de ses joueurs. Et en gros, il va s'adapter et prendre du plaisir aussi quelque part, parce que jouer, c'est du plaisir. Donc, pour moi, ça reste quand même un joueur, mais un joueur à part entière, un joueur qui a, comme tu le dis, toutes les clés, c'est vrai, mais qui va s'amuser autant que les autres, mais d'une manière un peu différente. Ce n'est pas un joueur que les autres. Oui, mais... Quand même. Mais c'est le bon chasseur. Mais le bon chasseur. On a compris de la philosophie. Voilà. Et toi, Akil, qu'en penses-tu ? Tu es joueuse, uniquement pour le moment, mais tu te prépares à masteriser. Et pour le moment, dans ta préparation, est-ce que tu vois une différence entre la façon dont tu prépares tes parties en tant que joueuse ou en tant que MJ ? Surtout la façon dont je vis les parties. La façon dont tu vis les parties. Oui, parce que je fais beaucoup plus attention à beaucoup trop de détails et c'est pas pareil. Je fais beaucoup plus attention à des petits détails qui pourraient changer l'histoire derrière. Et en fait, je vis plus mes parties en tant que joueuse de la même façon depuis que j'ai commencé à me mettre de l'autre côté qu'avant. Avant, j'étais juste en mode « Ah, c'est trop cool, c'est génial !» Et puis maintenant, à chaque fois qu'il y a un petit truc, voilà, qu'est-ce qui nous prépare ? Oh, ça pue. Tu veux dire que le fait de commencer à devenir MJ, toi aussi, ça te change ta façon de jouer ? Oui. D'accord, ok. Mais du coup, même si ça te change ta façon de jouer, est-ce que d'un côté ou de l'autre, tu es un joueur comme les autres ? Mais je suis pas comme les autres tout court. Donc. C'est une bonne réponse. Tout est dit. Voilà. Non, en fait, c'est dans le sens de ta question. C'est comment tu... Pour toi, un joueur comme les autres, c'est-à-dire qu'on est tous égaux face au jeu de rôle ou... Les gens ne jouent pas tous de la même manière, donc... C'est ça qui est intéressant avec cette question, c'est qu'on peut la prendre de diverses façons. Donc, est-ce que le MJ ou la MJ est-elle un joueur ou une joueuse comme les autres ? Non. Qu'est-ce qu'un joueur, déjà, hein ? J'ai envie ça, de dire. C'est ça, qu'est-ce qu'un joueur ? C'est là l'ambiguïté de la définition du mot joueur. En fait, le MJ, déjà, quand on lui dit qu'on va jouer, le MJ, sauf s'il est en total impro, mais il prépare quelque chose. Déjà, il n'arrive pas les mains dans les poches comme les joueurs, quoi. Enfin, il y a tout un travail en amont. Un joueur n'arrive pas les mains dans les poches non plus. Ok, j'exagère, mais le MJ a plus de travail en amont de la partie que le joueur. Ça dépend. Tu peux avoir des MJ qui arrivent les mains dans les poches en full impro. Ouais, il y a forcément. Ils se laissent guider par les joueurs. Et qui, quelque part, ils ont créé derrière de voilà. 15 pages. C'est ça. Et en fait, le MJ, du coup, devient un peu dépendant de ce que vont faire les joueurs, parce que c'est eux qui vont amener le monde. Et, mais le MJ, en tant que rôle, tu peux avoir fait un background de 15 pages, le MJ peut te tuer la première partie. Ça m'est jamais arrivé. Non, mais bien sûr, si le MJ est sadique, mais il a quand même un pouvoir beaucoup plus grand que les autres joueurs. Alors mes backgrounds sont très bons. Après, c'est un peu le enfin, ça va dépendre du contrat qu'il y a entre les joueurs et le MJ. Si le MJ d'entrée dit ok, vous pouvez mourir à chaque instant, donc à vous de faire attention. Vous faites pas un background de 15 pages. Les joueurs seront pas surpris si ça leur arrive, pardon. Donc il faut que ce soit un dialogue constant avec le MJ. Mais je pense que le MJ joue autant que les joueurs. Bien sûr, ouais. Je sais pas, il y a aussi la notion de jeu de rôle sans MJ aussi. Pourquoi ça existe ? ça existe parce qu'il y a le MJ a un statut vraiment particulier, c'est tout. Ouais, mais il n'est pas un joueur comme les autres. Il joue, mais il n'est pas... Juste pour revenir un petit peu en arrière, je suis assez d'accord sur le fait que les dernières questions amenaient plus à parler du contrat social. Donc effectivement, on est tous d'accord pour dire que si on joue à un jeu un peu one-shot, on va dire un Into the Odds, on ne va pas faire un background de casse-page parce que ton personnage en deux coups de dé peut mourir. Et pour les jeux sans MJ... Mais justement, l'inverse est aussi vrai. Je veux dire, les jeux sans MJ existent, ça veut dire que, quelque part, au final, si un jeu sans MJ existe, est-ce que ça ne veut pas dire que le MJ est un joueur comme les autres et qu'on n'a pas besoin d'avoir un rôle défini ? Non, parce que là, un jeu sans MJ, le MJ, il vient... Il se présente face au jeu à égalité avec les autres joueurs. À partir du moment où le MJ il arrive et qu'il en sait plus que les autres, déjà, il distribue les fiches de perso, enfin, il a un pouvoir que les autres n'ont pas sur le jeu. Oui, mais attention, parce que par définition, le joueur, par moment, peut avoir autant de pouvoir que le MJ, puisqu'il peut complètement détruire le scénario, ce qui était prévu de base dans le jeu, et du coup, le MJ se retrouve prisonnier et doit changer ses plans, et du coup, il n'est pas maître absolu dans le scénario, dans l'histoire qui va se passer. Donc les joueurs ont un pouvoir aussi, quand même. C'est là où tu te places, et là, c'est pendant la partie, mais quand tu te présentes face à la table, quand les gens arrivent, on n'est pas tous à égalité s'il y a un MJ ou s'il n'y en a pas. Hein. Pendant la partie, évidemment, tout peut changer et c'est ça qui est génial dans le jeu. Après, je trouve que le MJ, c'est vrai, il est le maître de l'univers, dans le monde dans lequel vont évoluer les joueurs. Le maître ou le garant ? Est-ce qu'il n'est pas le garant d'une le certaine guide, cohérence alors. De l'univers plutôt que le maître de l'univers ? Ouais, le garant, guide, le bien guide. Bien. Il va diriger, enfin il va emmener les joueurs dans un univers, expliquer un peu où ils sont, comment les choses se déroulent, mais après les joueurs sont libres de faire ce qu'ils veulent, à part si c'est un MJ très dirigiste où là bah, les joueurs vont être sur un rail et donc du coup peut-être brider le côté ludique et jeu du jeu, mais sinon les joueurs il contrôle quelque chose. Moi, j'irais plus loin, dans ton sens, mais plus loin, c'est que le MJ, il est garant de l'univers, mais aussi des règles du jeu. Donc, c'est comment on va s'amuser sur la table. Il peut volontairement dire cette règle-là, je ne le fais pas parce que ça ne va pas apporter. Ouais, les règles, c'est surfait. Ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi. Les règles, c'est surfait. Voilà, le MJ, il n'est pas soumis aux mêmes règles que les joueurs. Et il choisit les règles. Il a un pouvoir beaucoup. Il est. Alors, c'est le dieu du. Est-ce que certains jeux avec MJ, ou je vais même dire avec MC, n'ont pas un peu renversé cette tendance ? Si. C'est-à-dire que si on prend un peu BTA, où ton personnage est avec un certain archétype, les règles du jeu sont marquées sur ta fiche de personnage. Donc, est-ce que le MJ peut vraiment aller contre ce qui est marqué sur la fiche du personnage ? Non, et tout à fait, le système Apocalypse dont tu parles, en fait, c'est fait pour peut-être que le MJ soit plus joueur comme les autres, parce que lui, dans le système Apocalypse, les gens, ils utilisent des moves ou des manœuvres, et le MJ a lui aussi des manœuvres à appliquer, donc au même titre que les joueurs. Du coup, il part sur les mêmes mécaniques de jeu, mais il a quand même un tout petit pas d'avance sur les joueurs, quand même. Et les parties où on n'a pas de fiche de perso et où on ne fait pas de jet de dés, on en parle ? Ah oui, on peut. Est-ce que tu as un exemple ? Oui, bah, Halloween l'année dernière, on a fait une partie de JDR où en fait on a fait juste un background. On n'avait pas de fiche de perso, on n'avait pas de carac, on n'avait rien. On n'a pas fait de jet de dés. Bah, c'était une des meilleures parties que j'ai faites. Et il y avait un MJ. Et il y avait un MJ. Hein. Et du coup, est-ce qu'il était joueur comme les autres ? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Bah, il n'est pas là, donc c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Et toi, Valkan, et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce que je pense que le MJ est un joueur comme les autres ? Oui. Je pense que certains MJ sont des joueurs comme les autres et que d'autres MJ sont des joueurs différents. Il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. C'est comme tout. Hein. Ça dépend des personnes aussi qui sont derrière. Il y a des gens qui sont... Ça dépend de la table aussi, en plus. Ah, ça dépend de la table. Je pense que, ouais, ça dépend de la dynamique que tu trouves à la table. Je pense que quand tu arrives sur certaines tables, tu as des dynamiques où l'entente est directe. Tout le monde s'entend bien, tout le monde arrive au même point et tout le monde veut aller dans la même direction. Ce qui fait qu'au final, il y a quelque chose de très fluide. Il y a d'autres tables et d'autres choses où tu as l'impression que les joueurs ont décidé quelque chose, le MJ avait prévu autre chose, et là tu sens qu'il y a des points de friction. Mais alors à ce niveau-là, est-ce que le problème, c'est pas ce qui est appelé plus ou moins le contrat social, final, c'est-à-dire ce qui a été vendu à la base à la table pour jouer. On peut retrouver ça aussi entre deux joueurs. On peut avoir deux joueurs qui ont des attentes complètement différentes et là... Je pensais à un dernier argument pour dire que le MJ n'est pas un joueur comme les autres. Souvent, on m'a dit, parce que j'ai plus fait maître du jeu que joueur, il y a des joueurs qui sont venus me voir en me disant mais ça t'embête pas d'être le maître du jeu, tu veux pas que je fasse maître du jeu une fois? Enfin, rien que cette phrase veut tout dire. C'est-à-dire que même pour un joueur débutant, on va dire, parce que je joue beaucoup avec des débutants, enfin ils sont plus débutants mais au début en tout cas oui, et tout ça pour dire que ouais, si on te vient de voir, on te dit, c'est qu'on a l'impression que tu joues pas pareil que les autres. Si ça te dérange pas de pas jouer, c'est-à-dire que tu te dis peut-être inconsciemment que quand tu es joueur tu t'amuses plus que si t'es MJ. Après, ce qui est totalement faux bien sûr. Après t'en as je peux poser, je pense, la question à certains MJ. Il y a des MJ qui préfèrent être MJ plutôt que joueur parce que justement ils prennent plus de plaisir à être MJ. Donc du coup, dans le jeu, ils jouent autant que les autres et ils vivent les histoires de ces joueurs par procuration. Voilà. Et de temps en temps, quand ils veulent décrocher un peu du rôle de Dieu Tout-Puissant, ils prennent un PNJ et puis ils jouent avec les joueurs et pendant un instant, et bah, il devient un joueur aussi. En fait, moi, je rapproche ça du cinéma, finalement. C'est un réalisateur et les acteurs. Et bah, perso, ça m'amuse plus d'être réalisateur qu'acteur, en fait. Mais réalisateur et acteur, c'est pas le même métier. Donc, Mais regarde, tu as bien des réalisateurs qui sont aussi acteurs de leur film. Ah oui, évidemment. Donc, évidemment. Ils deviennent aussi acteur que les autres. Et oui, bien sûr. Les deux sont valables, mais... Tarantino, si tu nous écoutes. Voilà, par exemple. Je repensais au fait qu'on a tous connu des MJ qui avaient... il y a toujours le PNJ du MJ, ou un PNJ qui a l'air de toujours réussir les choses et de les faire un peu mieux que vous. C'est pas tous les MJ. Et je repensais à ça, Ryan, tu disais, toi, tes joueurs, ils sont venus en mode « Est-ce que tu veux pas que je sois MJ à ta place pour une fois ?» Est-ce que tu es sûr que c'était pas pour justement essayer ? Que c'était parce que... Bien sûr, évidemment, c'est aussi pour essayer. Ça marche dans les deux sens, c'est ce que je dis. Mais juste, si on me pose la question, ça prouve bien que le MJ n'a pas la même place, tout simplement. Ou tout simplement, ils ont envie de jouer en tant que MJ, de voir que toi, tu prends le plaisir d'être MJ et du coup, de tenter l'expérience, et pas forcément pour te soulager du rôle, c'est vraiment de prendre le... J'aime beaucoup l'expérience être MJ et joueur d'un même jeu. Parce que souvent, c'est pas le cas. Et quand tu es des deux côtés sur un même jeu, t'as vraiment une façon différente de voir les choses derrière, quoi. Du coup, est-ce que le MJ joue au même jeu que les joueurs, en fait? Il joue au même jeu, mais il joue pas de la même manière. J'aime bien être joueur et MJ, et en fait, ça dépend vraiment des jeux. Typiquement, je trouve que en règle générale, quand je suis fatigué, je préfère être joueur sur beaucoup de jeux. C'est parce vrai. Que j'ai moins d'efforts à faire sur certains trucs, etc. Ouais. Mais c'est pas une règle d'or. C'est-à-dire que il y a certains jeux où ça te demande plus d'efforts, de réflexion de temps en temps d'être joueur que d'être MJ. Bah oui, pas de réponse à cette affirmation. Je sais pas encore. Non, eh bien écoute, j'espère que tu vas nous faire découvrir ça et puis tu... C'est très bientôt pour toi, MJ, l'expérience... Oh là là. Je suis pas prête. Mais tu vas super bien t'amuser. Ah oui. Surtout, tu vas t'amuser des réactions et des actions de tes joueurs. C'est là où... Oui, parce qu'au final, en tant que MJ, on s'amuse quand même. Mais oui, évidemment, on s'amuse bien. Ouais. Et du coup, vu qu'on connaît les tenants et les aboutissants des choses, on essaie de voir comment ils vont se dépatouiller, comment les joueurs arrivent à se dépatouiller d'une situation et de avoir le plaisir d'être surpris par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et c'est là, je trouve que c'est vraiment le sel du MJ, c'est ce moment où tu dis « Putain, j'avais pas pensé à ça, ils m'ont emmené là-dedans, pour rester... Mais c'est ça, on veut être surpris par nos joueurs. Ouais, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que mes joueurs de ma table, justement, que je prépare, ce ne sont que mes MJ. Ah ouais, tu vas être jugé, quoi, ouais. Mais non, mais justement, détends-toi. Parce qu'ils connaissent exactement ce que toi, tu vas faire. Justement, je veux les surprendre aussi. Ouais, mais justement, à mon avis, tu vas les surprendre parce que comme ils ont toujours l'habitude d'avoir de savoir ce qui va se dérouler, le fait de justement d'être dans le noir et pas avoir la suite du scénar directement sous les yeux, déjà rien que ça, ça va les surprendre. Oui. Après, le but, c'est surtout que justement, dans la commune où on est très peu de MJ. Et en fait, tous ces MJ, ils m'ont fait jouer. Enfin, mon objectif en devenant MJ, c'était de les faire jouer eux à autre chose et de jouer ensemble aussi. Hein. De te venger pour tous les persos qui t'ont tué. J'en ai eu qu'un de mort sur beaucoup. Comme quoi, la vengeance. Je suis une personne très résistante. Mais ça se passera très bien. Parce qu'après, en même temps, voilà, tu vas arriver avec ta vision des choses en tant que MJ, qui n'est pas forcément la leur. Donc forcément, ils seront que surpris parce que tu vas leur amener. Donc, mais au-delà de la surprise, je veux qu'ils s'amusent autant que moi, je me suis amusée sur leur partie. Et j'ai... qu'ils soient déçus. Il n'y a pas de raison, hein, ça se passera très bien. Ok, bah écoutez, je ne sais pas si on a répondu à cette question avec une réponse tranchée ou quoi, mais en tout cas, ouais, voilà. Nous avons construit un petit muret sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour la suite. Allez, à bientôt. Merci. Juste avant de partir, donc, Gossed, où on peut te retrouver ? Eh bien, sur la chaîne de la petite pause JDR, sur la chaîne YouTube. Il y a aussi une chaîne du Twitch aussi sur la petite pause JDR. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, vous pouvez me trouver là-dessus. Et toi, Riley, où peut-on te retrouver ? Nous, ça s'appelle JDR Academy et on est plus ou moins régulier. Hein, voilà, donc on sort des épisodes quand on a le temps. Mais quand on les sort, c'est rigolo. Et toi, Akil, du coup, Akil Elfire, dis-nous quand est-ce qu'on va pouvoir te voir masteriser une partie. Ah, masteriser, c'est pas pour tout de suite. Mais vous pouvez me retrouver en live au moins 2 à 3 fois par semaine avec toute la clique et nous retrouver sur le Discord de Sous la Montagne. Et sinon, c'est Twitch Akiel et YouTube Akiel Fire. Voilà, des bisous. Parfait, bah écoutez, à bientôt. Salut, salut.